The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Almost. Presque. To have nearly done something. Faillir. To ruin. Gâcher. Spilled. Renverser. Sister-in-law. La belle-sœur. Hospital. L'hôpital. Slow dance. Le slow. Broken. Cassé. To go with. Accompagner. To call. Appeler. Now, a bit faster. To call. Appeler. Slow dance. Le slow. To go with. Accompagner. Sister-in-law. La belle-sœur. Slow dance. Le slow. Almost. Presque. To call. Appeler. Broken. Cassé. To ruin. Gâcher. Broken. Cassé. Spilled. Renversé. Almost. Presque. Sister-in-law. La belle-sœur. Broken. Cassé. Almost. Presque. To ruin. Gâcher. Sister-in-law. La belle-sœur. To go with. Accompagner. Now, use the words in context. Presque. She almost finished her homework. Elle a presque fini ses devoirs. Faillir. He almost ruined the party. Il a failli gâcher la fête. Gâcher. If I come, I'm going to ruin your date. Si je viens, je vais gâcher ton rendez-vous. Renverser. I knocked my wine glass over. J'ai renversé mon verre de vin. Cassé. She broke her foot. Elle s'est cassé le pied. Gâché. If I come, I'm going to ruin your date. Si je viens, je vais gâcher ton rendez-vous. Renversé. I knocked my wine glass over. J'ai renversé mon verre de vin.